Le livre de Monel, deuxième partie, Les sœurs de Monel, l'insensible. La princesse Morgane n'aimait personne. Elle avait une candeur froide et vivait parmi les fleurs et les miroirs. Elle piquait dans ses cheveux des roses rouges et se regardait. Elle ne voyait aucune jeune fille, ni aucun jeune homme, parce qu'elle se mirait dans leurs regards. Et la cruauté ou la volupté lui était inconnue. Ses cheveux noirs descendaient autour de son visage comme des vagues lentes. Elle désirait s'aimer elle-même, mais l'image des miroirs avait une frigidité calme et lointaine, et l'image des étangs était morne et pâle, et l'image des rivières fuyait en tremblant. La princesse Morgane avait lu dans les livres l'histoire du miroir de Blanche-Neige qui savait parler et lui annonça son égorgement, et le conte du miroir d'Ilsée, d'où sortit une autre Ilsée qui tua Ilsée, et l'aventure du miroir nocturne de la ville de Milet qui faisait s'étrangler les Milésiennes à la nuit levante. Elle avait vu la peinture mystérieuse où le fiancé a étendu un glaive devant sa fiancée parce qu'ils se sont rencontrés eux-mêmes dans la brume du soir. Car les doubles menacent la mort. Mais elle ne craignait pas son image, puisque jamais elle ne s'était rencontrée, sinon candide et voilée, non cruelle et voluptueuse, elle-même pour elle-même. Et les lames polies d'or vert, les lourdes nappes de vif argent, ne montraient point Morgane à Morgane. Les prêtres de son pays étaient géomanciens et adorateurs du feu. Ils disposèrent le sable dans la boîte carrée et y tracèrent les lignes. Ils calculèrent au moyen de leur talisman de parchemin. Ils firent le miroir noir avec de l'eau mélangée de fumée. Et le soir, Morgane se rendit vers eux et elle jeta dans le feu trois gâteaux d'offrande. « Voici, dit le géomancien, et il montra le miroir noir liquide. Morgane regarda. Et d'abord une vapeur claire traîna par la surface, puis un cercle coloré bouillonna, puis une image s'éleva et courut légèrement. C'était une maison blanche cubique avec de longues fenêtres. Et sous la troisième fenêtre pendait un grand anneau de bronze. Et tout autour de la maison régnait le sable gris. « Ceci est l'endroit, dit le géomancien, où se trouve le véritable miroir. Mais notre science ne peut le fixer ni l'expliquer. » Morgane s'inclina et jeta dans le feu trois nouveaux gâteaux d'offrande. Mais l'image vacilla et s'obscurcit. La maison blanche s'enfonça et Morgane regarda vainement le miroir noir. Et, au jour suivant, Morgane désira faire un voyage, car il lui semblait avoir reconnu la couleur morne du sable, et elle se dirigea vers l'Occident. Son père lui donna une caravane choisie, avec des mules à clochettes d'argent, et on la portait dans une litière dont les parois étaient des miroirs précieux. Ainsi, elle traversa la Perse, et elle examinait les hôtelleries isolées, tant celles qui sont bâties près des puits et où passent les troupes de voyageurs, que les maisons décriées où les femmes chantent la nuit et battent des pièces de métal. Et près des confins du royaume de Perse, elle vit beaucoup de maisons blanches, cubiques, aux fenêtres longues. Mais l'anneau de bronze n'y était point pendu. Et on lui dit que l'anneau se trouverait au pays chrétien de Syrie, à l'Occident. Morgane passa les rives plates du fleuve qui environne la contrée des plaines humides où croissent des forêts de réglisse. Il y avait des châteaux creusés dans une seule pierre étroite, qui était posée sur la pointe extrême. Et les femmes assises au soleil sur le passage de la caravane avaient des torsades de crin roux autour du front. Et là vivent ceux qui mènent des troupeaux de chevaux et portent des lances à pointe d'argent. Et plus loin est une montagne sauvage habitée par des bandits qui boivent l'eau-de-vie de blé en l'honneur de leur divinité. Ils adorent des pierres vertes de forme étrange et se prostituent les uns aux autres parmi des cercles de buissons enflammés. Morgane eut horreur d'eux. Et plus loin est une cité souterraine d'hommes noirs qui ne sont visités par leurs dieux que pendant leur sommeil. Ils mangent les fibres du chanvre et se couvrent le visage avec de la poudre de craie. Et ceux qui s'enivrent avec le chanvre pendant la nuit fendent le cou de ceux qui dorment afin de les envoyer vers les divinités nocturnes. Morgane eut horreur d'eux. Et plus loin s'étend le désert de sable gris, où les plantes et les pierres sont pareilles au sable. Et à l'entrée de ce désert, Morgane trouva l'hôtellerie de l'anneau. Elle fit arrêter sa litière, et les muletiers déchargèrent les mules. C'était une maison ancienne, bâtie sans l'aide du ciment, et les blocs de pierre étaient blanchis par le soleil. Mais le maître de l'hôtellerie ne put lui parler du miroir, car il ne le connaissait point. Et le soir, après qu'on eut mangé les galettes minces, le maître dit à Morgane que cette maison de l'anneau avait été dans les temps anciens la demeure d'une reine cruelle, et elle fut punie de sa cruauté, car elle avait ordonné de couper la tête à un homme religieux qui vivait solitaire au milieu de l'étendue de sable et faisait baigner les voyageurs avec de bonnes paroles dans l'eau du fleuve. Et aussitôt après, cette reine périt avec toute sa race. Et la chambre de la reine fut murée dans sa maison. Le maître de l'hôtellerie montra à Morgane la porte bouchée par les pierres. Puis les voyageurs de l'hôtellerie se couchèrent dans les salles carrées et sous l'auvent. Mais, vers le milieu de la nuit, Morgane éveilla ses muletiers et fit enfoncer la porte murée. Et elle entra par la brèche poussiéreuse avec un flambeau de fer. Et les gens de Morgane entendirent un cri et suivirent la princesse. Elle était agenouillée au milieu de la chambre murée, devant un plat de cuivre battu, rempli de sang, et elle le regardait ardemment. Et le maître de l'hôtellerie leva les bras, car le sang du bassin n'était pas tari dans la chambre close depuis que la reine cruelle y avait fait placer une tête coupée. Personne ne sait ce que la princesse Morgane vit dans le miroir de sang. Mais sur la route du retour, ses muletiers furent retrouvés assassinés, un à un, chaque nuit, leurs faces grises tournées vers le ciel, après qu'ils avaient pénétré dans sa litière. Et on nomma cette princesse Morgane la Rouge, et elle fut une fameuse prostituée et une terrible égorgeuse d'hommes.